Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de recevoir un auteur français de talent et de renom pour son cinquième livre, La fille de Jonathan Baker, Antoine Renan. Bonjour Antoine. Bonjour. Je suis ravie de vous entendre aujourd'hui et de vous avoir sur les ondes de Radio Fadjet pour l'émission Caprice de lecture. Alors Antoine, j'avais très envie d'entendre un petit peu vos explications ou vos sources de motivation pour donc ce cinquième opus qui est sorti le 5 mars 2025, qui arrive à peu près 2 ans après L'Empathie 2, qui a rencontré également un grand succès. Et là, vous changez un petit peu de registre parce que vous nous emmenez donc dans la peau et dans la vie de la fille donc d'un serial killer, Jonathan Baker. Alors justement, en tant qu'auteur, comment on se met dans la peau donc de la fille d'un personnage, on va dire, criminel et connu, parce que dans votre roman, il devient forcément connu pour ses agissements, il est emprisonné. C'était quoi le truc qui vous a fait dire tiens, je vais changer un peu de regard et je vais mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et non pas dans la peau d'un criminel où je vais pas faire évoluer un criminel à travers mon roman? C'était vraiment l'idée originale du roman, c'était comment ce personnage qui a été mêlé à une très grosse affaire criminelle quand elle était enfant, qui s'est construite un peu toute seule. C'est une affaire en fait dont tout le monde a entendu parler dans l'univers de ce roman, un peu comme l'affaire du petit Grégory pour nous, notre monde à nous. Tout le monde connaît le prénom le nom de cette jeune fille, mais tout le monde ne connaît pas son visage. Et elle a été extrêmement médiatisée. Elle a grandi. Quand une nouvelle affaire a lieu qui ressemble beaucoup à ce que faisait son père, elle est à nouveau extrêmement médiatisée. Et ça, c'était pour moi vraiment l'idée originale du roman. C'était ce qui m'intéressait au tout départ. Et c'était le point de vue, justement, de la fille d'un tueur en série. Ok. Alors justement, cette jeune fille s'appelle Jessica. Elle a pris connaissance des agissements de son père de manière presque inconsciente parce qu'elle avait 12 ans. Son papa était à la tête d'une sorte de communauté ou de stage, on va dire, artistique. Elle découvre pour la première fois donc un petit peu le double face de son papa. Le passé la rattrape très très vite. En plus, elle est vite pointée du doigt parce que, avec ce que vous disiez justement précédemment, elle est tellement exposée, elle a été tellement médiatisée que dès qu'il se passe un événement sensiblement similaire, c'est elle, c'est à cause d'elle ou elle sait ce qui se passe. Alors, est-ce que vous vous êtes inspiré justement de faits réels, de faits divers qui ont pu exister et puis vous avez peut-être fait une compilation ou peut-être un fait divers juste que vous avez pu croiser sur votre route au hasard de lecture ou quelque chose comme ça? Alors, je m'intéresse beaucoup aux affaires criminelles, je m'intéresse aussi aux faits divers. C'est souvent des sources d'inspiration en effet, mais c'est des points de départ. Après, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de fictionnaliser à partir de ça. Effectivement, dans cette histoire, justement, il y a l'affaire dont je parlais, l'affaire du petit Grégory, que tout le monde connaît. Il y avait eu un rebondissement en 2017, donc vraiment très longtemps après le début de cette affaire, qui avait lieu dans les années 80. Il y avait un personnage qui s'appelle Muriel Boll, qui avait été mêlé à cette affaire, qui avait été entendu, qui avait fait des aveux et qui s'était rétracté. Oui. Donc elle a été extrêmement médiatisée également enfant. Et en 2017, un juge d'instruction a relancé l'affaire. Et elle l'a fait convoquer, la mise en examen, et elle a vu tous les médias revenir devant chez elle. Ça a fait en fait voler en éclats ce qu'elle avait construit. Alors moi, je n'ai pas de certitude concernant la culpabilité ou l'innocence de Muriel Boll, et c'est pas mon propos. Ouais. En revanche, ce qui m'intéressait, là, c'était comme ça un personnage qui, comme je le disais tout à l'heure, qui voit tout voler en éclats et qui reste toute sa vie mêlé à cette affaire criminelle. Oui. Il y avait ça et aussi une affaire qui est assez sordide, hein, mais dans l'affaire Fourniret, Michel Fourniret s'est servi quand il était enfant de son bébé pour donner confiance à certaines de ses victimes, pour les faire entrer dans son véhicule. Alors, pareil, là, j'ai beaucoup transformé les choses, j'ai pas du tout réutilisé ce mode opératoire, mais ce côté personne qui se construit en ayant été mêlée malgré elle, parce qu'elle a servi un petit peu d'appât, je ne veux pas trop en révéler, mais Et son père s'est servi d'elle aussi pour appâter certaines victimes d'une façon différente. Et ça doit être extrêmement violent psychologiquement quand on se construit. Et tout ça, pour moi, c'était un terreau intéressant pour construire un personnage. C'est vraiment les personnages, moi, toujours, qui m'intéressent le plus quand je me lance dans une histoire. Ok, parce qu'en fait, moi, ce que j'avais retenu effectivement de votre rom enfin, de vos, ce roman, c'est que quoi qu'elle fasse ou quoi qu'elle dise, dans tous les cas, pour la, on va dire la vindicte populaire, elle est coupable. Et je me mettais aussi beaucoup à sa place en me disant, mais en fait, c'était une gamine, elle avait 12 ans, elle comprenait même pas au tout début qu'elle servait d'appât, elle l'a compris après. Et ça doit être terrible, tous les jours, elle se lève en se disant, mais elle croise quelqu'un, elle a tout fait en plus pour cacher son Oui. identité ou du moins sa filiation avec donc son père. Et tous les jours, au moindre truc qui se passe et qui rapporte une similitude avec justement ce fait divers, elle est coupable. Et elle porte cette culpabilité. Alors pareil, hein, je spoile pas non plus parce que je veux vraiment que les auditeurs puissent découvrir votre roman si ce n'est déjà fait. Je me dis psychologiquement, mais c'est lourd, quoi. Ça Ah s'arrête oui, c'était jamais. Ça ça. s'arrête jamais. C'était vraiment ce Ouais. côté lourd psychologiquement qui m'intéressait. Et elle a beaucoup de personnages, effectivement, qui gravitent autour d'elle. Oui. Des gens qui sont fascinés par elle, un peu comme si c'était une icône du mal. Ils sont persuadés qu'elle a participé. Oui. Il y a des gens qui la détestent aussi parce qu'ils pensent qu'elle n'a pas tout révélé. Il y a des gens qui, au contraire, sont presque amoureux d'elle. Voilà, il y a plein d'espèces de papillons comme ça, un peu étranges, qui gravitent autour de cette lampe-là. Et ça, moi, ça m'intéressait aussi beaucoup avant de me lancer dans le roman. Je sentais qu'il y avait une possibilité comme ça de faire évoluer beaucoup de personnages qui tourbillonnent un peu autour d'elle. Ouais. Ok. Alors justement, parce que vous êtes scénariste également de longs métrages, quand vous avez le temps. Je suppose, parce que je pense que quand on est auteur, on passe beaucoup, beaucoup de temps justement à la création et à la rédaction. Est-ce que, moi, j'aurais bien imaginé, vous voyez, la fille de Jonathan Baker en film, est-ce que c'est quelque chose qui serait en projet ou est-ce que, voilà, je pense que ça pourrait en faire un très bon film. Et du coup, est-ce que vous vous verriez justement aux manettes du scénario ou de la construction d'un film, comme ça? Alors, je pense effectivement que ça ferait un très bon scénario, ce que je ne dirais pas forcément de tous mes romans. Mais là, moi, quand j'écris un roman, j'écris vraiment un roman. Je me focalise pas du tout sur le côté cinéma. Pour ça, si je dois me focaliser sur le côté cinéma, je me lance directement dans un scénario. Mais il est vrai, je pense que ça pourrait faire soit une mini-série, voilà, avec quelque chose, soit un scénario long métrage. Après, je sais pas du tout si ça se fera. Et moi, du côté de l'écriture de scénario, en fait, j'ai commencé par ça. Moi, j'ai commencé dans l'audiovisuel. Je voulais être scénariste, mais aussi réalisateur. Alors, je l'ai fait en partie parce que j'ai fait beaucoup de courts-métrages comme réalisateur. J'ai pas fait de long-métrage en tant que, j'ai pas fait de, j'ai pas réalisé de long-métrage. Mais voilà, je sais pas si ça se fera un jour. Ça reste tout de même. Un projet, et voilà, il faut voir. Mais effectivement, ça pourrait donner lieu à quelque Je chose, pense à que voir si l'envie des professionnels est là. ça fait tellement fait divers, comme vous le disiez, l'affaire du petit Grégory, Michel Fourniret, là, bah, plus proche de nous, malheureusement, la disparition du petit Émile. Et je me dis, la construction, voilà, mais ça, c'est un avis qui n'engage que moi. La construction de votre roman, je pense, pourrait faire un très bon film. Alors, Ben, c'est gentil. pour terminer, Antoine, où est-ce qu'on peut retrouver votre actualité, donc qu'elle soit littéraire ou si vous allez sur des salons, ou si vous allez à la rencontre de votre public? Quelle est votre actualité? Allez, à quelques mois là. Là, j'ai des salons prévus. Vannes, je vais aller à Vannes, je vais aller à Créteil en poche, qui est le nouveau Ça mord en poche. Et je ferai aussi beaucoup de salons à la rentrée. Je communique là-dessus, au fur et à mesure sur Instagram, surtout je suis assez présent sur Instagram ou sur Facebook. Ok, d'accord. Donc sur Facebook, c'est Antoine Renan, normal. Enfin, il n'y a pas de Oh ou de oui, j'ai pseudo ou une de page et un voilà. compte, on me trouve assez facilement. Il faut taper Ok. Antoine Renan et On vous on est, trouve. voilà, Est-ce que il y a vous mes ferez infos. le salon Seille en crime cette année en octobre ou début novembre, je crois, en Oui, aussi Seille Lorraine? de Crème, ouais. Très bon Ok. salon qui a lieu tous les 2 ans et ouais, Ah j'ai bah été invité, super, je suis très content. j'aurai l'occasion de vous y revoir parce qu'on s'était vu il y a 2 ans, donc j'aurai l'occasion de revenir vous voir. Voilà. Merci Génial. beaucoup, Antoine, pour ce temps que vous nous avez consacré. Ce fut un plaisir et bah écoutez, j'espère à très bientôt. Merci Ben, merci à beaucoup. vous, merci Merci, beaucoup. au revoir. Au revoir.